Pour l'amour de ce sang, il traînait avec lui tant d'objets dont il ne faisait aucun cas. Les 3 grands diamants et toutes les pierres précieuses, les dentelles flamandes et les tapis d'Arras par monceaux. Sa tente en soie avec les cordons en fil d'or et 400 tentes pour sa suite. Et des images peintes sur bois et les 12 apôtres en argent massif. Et le prince de Tarente et le duc de Clèves et Philippe de Bade et les messieurs de Château-Guillon. Car il voulait persuader à son sang qu'il était empereur, et qu'il n'y avait rien au-dessus de lui, afin de s'en faire redouter. Mais son sang ne le croyait pas malgré toutes les preuves que le duc lui fournissait. C'était un sang méfiant. Peut-être l'entretint-il quelque temps en doute. Mais les corps du riz trahirent le duc. Depuis lors, son sang savait qu'il habitait un homme perdu, et il voulait en sortir. À présent, je le vois ainsi. Mais autrefois, j'étais surtout saisi en lisant comment ils le cherchèrent le jour des 3 rois. Le jeune prince Lorrain, qui était entré la veille, après cette bataille singulièrement précipitée, dans sa pauvre ville de Nancy, avait éveillé très tôt sa suite et demandé à voir le duc. Un messager, après l'autre, fut envoyé. Et lui-même apparaissait de temps à autre à la fenêtre, inquiet et soucieux. Il ne reconnaissait pas toujours qui ils transportaient là, sur leurs chars et leurs civières. Il voyait seulement que ce n'était pas le duc. Et parmi les blessés non plus, il n'était pas. Et des prisonniers que l'on amenait sans cesse, nul ne l'avait vu. Mais les fuyards portaient de tous côtés des nouvelles différentes. Ils étaient troublés et effrayés, comme s'ils avaient craint de courir à sa rencontre. La nuit tombait déjà, et l'on n'avait rien entendu de lui. La nouvelle qu'il était disparu avait le temps de faire le tour de cette longue soirée d'hiver. Et où qu'elle parvint, elle donnait à tous une certitude brusque et exagérée qu'il vivait encore. Jamais peut-être le duc n'avait été comme en cette nuit vivant dans toutes les imaginations. Il n'y avait pas de maison où l'on ne veillât pas, où on ne l'attendît pas, et où l'on ne se représenta pas qu'il allait frapper. Et s'il ne venait pas, c'est parce qu'il était déjà passé. Il gela cette nuit et ce fut comme si gelait aussi la pensée qu'il était encore. Si grande était sa dureté. Et des années passèrent avant qu'elle se fût défaite. Tous ces hommes, sans bien le savoir, à présent, voulaient obstinément qu'il fût. Le destin dont ils les avaient frappés n'était supportable que par sa présence. Ils avaient eu tant de mal à apprendre qui il était. Mais à présent qu'ils le savaient par cœur, ils découvraient qu'il était facile à retenir et qu'ils ne l'oublieraient plus. Mais le lendemain matin, 7e jour de janvier, un mardi, on se remit cependant à sa recherche. Et cette fois, il y avait un guide. C'était un page du duc, et l'on prétendait qu'il avait vu de loin tomber son maître. À présent, il devait désigner l'endroit. Lui-même n'avait rien raconté. Le comte de Campo Basso l'avait amené et avait parlé pour lui. À présent, il marchait en avant, et les autres se tenaient tous derrière lui. Quiconque le voyait, bizarrement affublé et incertain, avait peine à croire qu'il était vraiment ce Gian Bastida Colonna, qui était beau comme une jeune fille et fin des chevilles. Il tremblait de froid. L'air était rigide du gel nocturne, on entendait comme un grincement de dents sous les pas. D'ailleurs, tous avaient froid. Seul le fou du duc, surnommé Louis XI, se donnait du mouvement. Il jouait au chien, courait en avant, revenait et trottait un instant à 4 pattes, à côté du page. Mais dès qu'il apercevait de loin un cadavre, il y courait, s'inclinait, il l'exhortait à faire un effort, et à être celui qu'on cherchait. Il lui laissait un peu de temps de réflexion, puis il revenait vers les autres, de mauvaise humeur, et menaçait et jurait, et se plaignait de l'entêtement, de la paresse des morts. Et l'on allait toujours, et cela ne prenait pas fin. La ville n'était presque plus visible, car dans l'intervalle, le temps s'était fermé, malgré le froid, et il était devenu gris et opaque. Le pays était couché, plat et indifférent, et le petit groupe des hommes semblait toujours égaré, à mesure qu'il s'éloignait davantage. Personne ne parlait. Seule une vieille femme, qui avait couru derrière eux, ruminait quelque chose en secouant la tête. Peut-être priait-elle. Soudain, le premier de la petite troupe s'arrêta et regarda autour de lui. Puis il se retourna brièvement vers Lupi, le médecin portugais du duc, et montra quelque chose devant lui. Quelques pas en avant, il y avait une étendue de glace, une sorte de marais ou d'étang, et il y avait là, à moitié enfoncés, 10 ou 12 cadavres. Ils étaient presque complètement dévêtus et dépouillés. Lupi allait, penché et attentif de l'un à l'autre, et à présent l'on reconnaissait Olivier de la Marche et le prêtre, tandis qu'on allait et venait autour d'eux. Mais la vieille était déjà agenouillée dans la neige, et gémissait, et se penchait sur une large main dont les doigts écartés étaient tendus vers elle. Tous accoururent. Lupi, avec quelques domestiques, essaya de retourner le cadavre, car il était couché sur la face. Mais le visage était pris dans la glace, et lorsqu'on l'en retira, l'une des joues se pela, sèche et mince, et il apparut que l'autre avait été arrachée par des chiens ou des loups, et le tout avait été fendu par une grande blessure qui commençait à l'oreille, de sorte que l'on ne pouvait même plus parler d'un visage. L'un après l'autre, ils se retournèrent. Chacun croyait trouver derrière soi le Romain. Mais ils ne voyaient que le fou qui était accouru, mauvais et sanglant. Il tenait un manteau loin de lui, et il secouait comme s'il devait en tomber quelque chose. Mais le manteau était vide. On commença donc à chercher des signes particuliers, et il s'en trouva quelques-uns. On avait fait un feu et l'on lava le corps avec de l'eau chaude et du vin. La cicatrice du cou apparut, et les traces des deux grands abcès. Le médecin ne doutait plus, mais on compara encore autre chose. Louis XI avait trouvé quelques pas plus loin le cadavre du grand cheval noir Moreau que le duc avait monté le jour de Nancy. Il enfourcha le cadavre et laissa pendre ses jambes courtes. Le sang coulait de ses narines à sa bouche, et l'on voyait qu'il le goûtait. L'un des domestiques rappela de l'autre côté qu'un ongle du pied gauche du duc avait été incarné. À présent, tous cherchaient cet ongle. Mais le fou gigotait, comme si on l'avait chatouillé, et criait « Ah, monseigneur, pardonne-leur de découvrir ainsi tes défauts les plus grossiers, les imbéciles qui ne veulent pas te reconnaître à mon long visage où apparaissent toutes tes vertus. » Le fou du duc était aussi le premier qui entra, lorsque le cadavre fut dressé sur le lit. C'était dans la maison d'un certain Georges Marquis. Personne n'aurait su dire pourquoi. Le drap mortuaire n'avait pas encore été étendu, et il eut ainsi l'impression du tout. Le blanc du linceul et le cramoisi du manteau contrastaient durement avec les noirs du baldaquin et de la couche. En avant, des bottes à longues tiges écarlates pointaient, avec de grands éperons dorés. Et que cela, là-haut, fût une tête, on ne pouvait plus le contester dès qu'on voyait la couronne. C'était une grande couronne ducale, avec je ne sais quelle pierre. Louis XI allait et venait et examinait tout de près. Il tâta même le satin, bien qu'il n'y entendît pas grand-chose. Ce devait être un satin de bonne qualité, peut-être un peu trop bon marché pour la maison de Bourgogne. Il recula encore une fois pour juger de l'ensemble. Les couleurs étaient singulièrement discontinues, à la lumière reflétée par la neige. Il grava chacune séparément dans sa mémoire. Bien habillé, reconnut-il enfin, peut-être un peu trop prononcé. La mort lui apparaissait comme un manieur de marionnette qui a vite besoin d'un duc. L'on fait bien de constater simplement certaines choses qui ne peuvent pas changer, sans déplorer les faits ou même les juger. C'est ainsi qu'il m'est apparu clairement que je ne serai jamais un véritable liseur. Lorsque j'étais enfant, je considérais la lecture comme une profession qu'il faudrait assumer. Plus tard, un jour, lorsque viendrait le tour des professions. À dire la vérité, je ne me représentais pas exactement quand cela arriverait. Je pensais que se manifesterait une époque à laquelle la vie se rabattrait en quelque sorte et ne viendrait plus que du dehors, ainsi qu'autrefois du dedans. Je me figurais qu'elle deviendrait alors intelligible, facile à interpréter, et n'admettant plus aucune équivoque. Peut-être nullement simple, au contraire très exigeante, compliquée et difficile, j'y consens, mais toutefois visible. Cet illimité si singulier de l'enfance, ce non relatif que jamais l'on avait dominé du regard, cela du moins serait alors surmonté. Sans doute ne voyait-on pas du tout comment. Au vrai, cela s'accroissait toujours encore et se refermait de toutes parts. Et plus l'on regardait au dehors, plus l'on remuait de choses au fond de soi. Dieu sait d'où elles venaient. Mais peut-être croissait-elle jusqu'à un degré de force extrême et se brisait-elle tout à coup. Il était facile à observer que les grandes personnes n'en étaient que fort peu inquiétées. Elles allaient, venaient, jugeaient et assagissaient. Et lorsqu'elles se heurtaient à des difficultés, celles-ci ne tenaient jamais qu'aux circonstances extérieures. C'est à l'époque de ces transformations que je situais aussi la lecture. Alors on traiterait les livres comme des amis. On aurait un temps à eux réservé, un certain temps qui s'écoulerait régulièrement et docilement, justement aussi long qu'il vous plairait de le leur consacrer. naturellement, certains livres vous tiendraient de plus près. Et il n'est pas du tout dit que l'on serait assuré de ne pas perdre de temps en temps une demi-heure, qui eût dû être consacrée à une promenade, à un rendez-vous, à un lever de rideau ou à une lettre urgente. Mais que vos cheveux prissent un mauvais pli ou s'emmêlassent, comme si l'on s'était appuyé sur eux, ou que vos oreilles devinssent brûlantes et vos mains froides comme du métal, et qu'une longue chandelle achevât de se consumer à côté de vous, jusque dans le chandelier, cela, Dieu merci, serait définitivement exclu. Je cite ces symptômes parce que j'en fis moi-même l'expérience de façon assez profonde, pendant ces vacances à Ulsgaard, durant lesquelles j'entrais si subitement en lecture. Il apparut alors aussitôt que je ne savais pas lire. Sans doute avais-je commencé avant l'époque que j'assignais à cette occupation. Mais cette année à Soro, au milieu de tant d'égaux en âge, m'avait mis en méfiance contre de tels calculs. Là-bas, des expériences subites et inattendues étaient survenues. Et il était évident qu'elles m'avaient traité en grande personne. C'étaient des expériences de grandeur naturelle, qui pesaient sur moi de tout leur poids. Mais dans la mesure même où je comprenais leur réalité, mes yeux s'ouvraient aussi sur la réalité infinie de mon enfance. Je savais que l'une ne cesserait pas plus que l'autre, ne commençait seulement. Je me disais que chacun, bien entendu, était libre de faire des séparations, mais elles étaient inventées. Et il apparut que j'étais trop maladroit pour en imaginer à mon usage. Chacune fois que je m'y essayais, la vie me faisait comprendre qu'elle ne les reconnaissait pas. Et si je persistais à considérer que mon enfance était passée, à cet instant tout l'avenir aussi était évanoui, et il ne me restait exactement que ce qu'un soldat de plomb a sous les pieds pour pouvoir se tenir debout. Cette découverte m'éloigna bien entendu encore davantage des autres. Elle m'absorbait en moi-même et m'emplissait d'une sorte d'allégresse définitive que je prenais pour de la tristesse, parce qu'elle dépassait de beaucoup mon âge. Autant que je me souviens, j'étais inquiet aussi parce que, à présent, que plus rien n'était prévu pour une époque déterminée, beaucoup de choses pourraient être complètement négligées. Et lorsque je revins dans cet état d'esprit à Ulsgaard et que je vis tous les livres, je me jetais sur eux, à la hâte, avec une conscience presque mauvaise. Ce que j'ai souvent éprouvé plus tard, je le pressentis alors en quelque sorte savoir que l'on n'a pas le droit d'ouvrir un livre si l'on ne s'engage pas à les lire tous. À chaque ligne, on entamait le monde. Avant les livres, il était intact, et peut-être le retrouvait-on tout entier après. Mais comment allais-je, moi, qui ne pouvais pas lire, les absorber tous? Ils étaient là, même dans cette modeste bibliothèque, en nombre si grand, et ils tenaient ensemble. Têtu et désespéré, je me jetais de livre en livre et me frayais un chemin à travers les pages, comme quelqu'un qui doit fournir un travail disproportionné à ses forces. Je lus alors Schiller et Baggesen, Oblenschlaler et Schack Starfeld, tout ce qu'il y avait de Walter Scott et de Calderon. Beaucoup de choses tombaient entre mes mains qui auraient dû, en quelque sorte, avoir été déjà lues. Pour d'autres, au contraire, il était beaucoup trop tôt. Mais presque rien n'était échu pour mon présent d'alors, et malgré cela, je lisais. Des années après, il m'arrivait parfois la nuit de m'éveiller, et les étoiles étaient si véritables, et s'avançaient de façon si convaincante, et je ne comprenais pas que l'on pût se contraindre à perdre une telle somme de monde. C'est là, je crois, ce que j'éprouvais, lorsque je levais les yeux et regardais dehors, où était l'été, où Abelone m'appelait. Il nous semblait très surprenant qu'elle dût m'appeler et que je ne répondisse même pas. Cela tombait dans notre temps le plus heureux. Mais comme cette fièvre s'était emparée de moi, je m'accrochais convulsivement à ma lecture et me dérobais, important et têtu, à nos jours de fête quotidiens. Maladroit que j'étais à profiter des occasions nombreuses, mais peu apparentes d'un bonheur naturel, je me plaisais à me faire promettre de nôtres différends, qui s'aggravaient, des réconciliations futures, d'autant plus délicieuses qu'on les aurait retardées davantage. Du reste, mon sommeil de lecture se termina un jour, aussi brusquement qu'il avait commencé. Et alors nous nous fâchâmes pour tout de bon, car Abelone ne m'épargna aucune taquinerie dédaigneuse, et lorsque je la rencontrais sous la tonnelle, elle prétendait lire. Un certain dimanche matin, le livre était sans doute fermé à côté d'elle, mais elle semblait plus qu'assez occupée par les groseilles dont elle détachait avec une fourchette les petits grains. Ce doit avoir été une de ces heures matinales, neuves et reposées, comme il y en a en juillet, et durant lesquelles il n'arrive que des événements joyeux et irréfléchis. Des millions de petits mouvements irrépressibles composent une mosaïque de vie, la plus convaincue qui soit. Les choses vibrent les unes dans les autres, et au-delà dans l'atmosphère, leur fraîcheur rend les ombres claires, prête au soleil une clarté légère et spirituelle. Il n'y a plus alors, au jardin, rien d'essentiel. Tout est partout, et il faudrait être dans tout à la fois pour ne rien perdre. Dans le petit geste d'Abélone, le tout était encore une fois inclus. C'était d'un tel bonheur d'invention qu'elle fit justement ceci, et exactement ainsi qu'elle le faisait. Ses mains claires, dans l'obscurité de l'ombre, travaillaient avec une intelligence si légère l'une vers l'autre, et devant la fourchette sautaient, comme à plaisir, les baies rondes dans la coupe garnie de feuilles de vigne humides de rosée, où d'autres baies déjà s'avancelaient, rouges et blondes, illuminées de leurs points de lumière, avec des grains sains dans la pulpe acide. Aussi ne désirais-je que de regarder. Mais comme il était vraisemblable que l'on m'en empêcherait, pour me donner une contenance, je pris le livre, m'assis de l'autre côté de la table, et sans longtemps le feuilleter, je m'y plongeais n'importe où. « Si au moins tu lisais à haute voix, bouquineur, » dit Abélone, au bout d'un instant. Le son de ces mots n'était plus du tout hostile. Et comme il était, me semblait-il, grand temps de nous réconcilier, je lus aussitôt à haute voix, sans arrêt, jusqu'au prochain alinéa, et plus loin encore, jusqu'au prochain titre, à Bétine. « Non, pas les réponses, » m'interrompit Abélone, et comme épuisée, elle déposa tout à coup la petite fourchette. Aussitôt après, elle rit de la mine avec laquelle je la regardais. « Mon Dieu, que tu as donc mal lu, Malte !» Je dus convenir que je n'avais pas pensé un seul instant à ce que je faisais. Je ne lisais que pour être interrompu, avouai-je, et j'eus tout à coup chaud et feuilletais le livre en arrière, pour trouver la page du titre. Alors seulement je sus quel livre c'était. « Pourquoi pas les réponses ?» demandai-je curieux. Ce fut comme si Abélone ne m'avait pas entendu. Elle était assise, là, dans sa robe claire, comme si partout à l'intérieur, elle était devenue toute sombre, telle qu'étaient à présent ses yeux. « Donne !» dit-elle soudain, comme en colère, et prit le livre de sa main, et l'ouvrit à la page qu'elle voulait. Et alors elle lut une des lettres de Bétine. Je ne sais pas ce que j'en compris, mais c'était comme si l'on m'avait promis solennellement qu'un jour je saisirais tout cela. Et pendant que sa voix s'élevait, se ressemblait enfin presque à celle que je connaissais par son chant. J'eus honte tout à coup de m'être représenté une autre réconciliation d'une manière aussi banale, car je compris bien qu'elle était en train de s'accomplir. Mais à présent, elle avait lieu en grand quelque part, loin au-dessus de moi, où je n'atteignais même pas. Cette promesse se remplit encore toujours. Par hasard, le même livre se retrouve de nouveau parmi les miens, parmi les quelques livres dont je ne me sépare pas. À présent, pour moi aussi, il s'ouvre au passage auquel je pense justement. Et pendant que je les lis, il est incertain si je songe à Bétine ou à Abélone. Non, Bétine est devenue plus vivante en moi. Abélone, que j'avais connue, n'a fait que préparer l'autre, et voici qu'elle a fleuri en Bétine, comme en son être le plus propre et le plus inconscient. Car cette étrange Bétine a, par toutes ses lettres, créé de l'espace. Et comme un monde de dimensions élargies, elle s'est depuis le commencement répandue en tout comme si elle avait déjà dépassé sa mort. Partout, elle s'était installée profondément dans l'être. Elle en faisait partie. Et tout ce qui lui arrivait était de toute éternité contenu dans la nature. Là, elle se reconnaissait. Elle s'en détachait presque douloureusement. Elle se devinait peu à peu, comme remontant à des traditions. Elle s'évoquait comme un esprit et s'affrontait. Voici un instant, Bétine, tu étais encore. Je te comprends. La terre n'est-elle pas chaude de toi? Et les oiseaux ne laissent-ils pas de l'espace pour ta voix? La rosée est autre, mais les étoiles sont encore les étoiles de tes nuits. Où le monde entier n'est-il pas tien? Car combien de fois l'as-tu incendié de ton amour? Ne l'as-tu vu flamboyer et se consumer? Et l'as-tu en secret remplacé par un autre monde, tandis que tous dormaient? Tu te sentais bien d'accord avec Dieu, lorsque chaque matin tu lui demandais une nouvelle terre, afin qu'eussent leur tour tous ceux qu'il avait créés. Il te semblait peu digne de les épargner et de les réparer, et tu avançais tes mains vers un monde toujours nouveau, car ton amour égalait tout. Comment est-il possible que tous ne parlent encore de ton amour? Qu'est-il depuis arrivé de plus mémorable? Qu'est-ce donc qui les occupe? Toi-même, tu connaissais la valeur de ton amour, tu le disais à haute voix à ton plus grand poète, afin qu'il fût rendu humain, car il était encore élément. Mais le poète, en t'écrivant, en a dissuadé les hommes. Tous ont lu ses réponses et les croient plus tôt parce que le poète leur est plus intelligible que la nature. mais peut-être comprendront-ils un jour qu'ici était la limite de sa grandeur. Cette aimante lui était imposée, et il ne l'a pas supportée. Qu'est-ce à dire qu'il n'ait pu lui répondre ? Un tel amour n'a pas besoin de réponse, il contient la peau et la réponse. Il s'exauce lui-même. Mais le poète aurait dû s'humilier devant elle, dans toute sa magnificence, et ce qu'elle dictait, l'écrire à deux mains, comme Jean Patmos à genoux. Il n'y avait pas de choix possible en présence de cette voix qui remplissait la fonction des anges, qui était venue pour l'envelopper et l'entraîner vers l'Éternel. C'était là le char de sa bonté embrasé vers le ciel. C'était là qu'était préparé à sa mort le mythe obscur qu'il laissa vide. Le destin aime à inventer des dessins et des figures. Sa difficulté tient à sa complexité. Mais la vie elle-même est difficile par sa simplicité. Elle n'a que quelques éléments d'une grandeur qui nous surpasse. Le saint, en déclinant le destin, choisit ceci pour l'amour de Dieu. Mais que la femme, conformément à sa nature, doive faire le même choix par rapport à l'homme. C'est là ce qui évoque la fatalité de toutes les amours. Résolue et sans destin, comme une éternelle, elle est debout à côté de lui qui se transforme. Toujours l'aimante surpasse l'aimé, parce que la vie est plus grande que le destin. Son don d'elle-même peut être infini, c'est là son bonheur. Mais la misère sans nom de son amour a toujours été celle-ci, qu'on lui ait demandé de limiter ce don. Aucune autre plainte n'a jamais été exprimée par des femmes. Les deux premières lettres d'Héloïse ne contiennent que celle-là, et 5 siècles plus tard, elle s'élève encore des lettres de la portugaise. On la reconnaît comme un appel d'oiseau. Et soudain, le clair espace de ces deux connaissances est traversé par la forme la plus lointaine de Sappho, que les siècles ne trouvèrent pas, parce qu'ils l'ont cherchée dans le destin. Je n'ai jamais osé lui acheter un journal. Je ne suis pas sûr qu'il porte toujours quelques numéros sur lui, lorsque, à l'extérieur du jardin du Luxembourg, il se glisse lentement, en avant et en arrière, tout le soir durant. Il tourne le dos à la grille et sa main frôle le socle de pierre, sur lequel se dressent les barreaux. Il se fait si mince que tous les jours beaucoup de gens passent, qu'ils ne l'ont jamais vu. Sans doute a-t-il encore un reste de voix qui rappelle son existence, mais ce n'est pas autre chose qu'un bruit dans une lampe, ou dans le poêle, ou l'égouttement d'une goutte à intervalles réguliers. Et le monde est ainsi fait qu'il y a des hommes qui, toute leur vie, passent justement pendant la pause durant laquelle, plus silencieux que tout ce qui se meut, ils s'avancent comme l'aiguille d'une montre, comme l'ombre d'une aiguille, comme le temps. Combien j'avais tort de ne le regarder qu'à contre-cœur. J'ai honte d'écrire que souvent, en m'approchant de lui, je prenais le pas des autres, comme si j'ignorais qu'il fût là. Alors j'entendais dire, en lui, la presse. Et aussitôt après, encore une fois, et une troisième fois, à intervalles rapides. Et à côté de moi, les gens se retournaient et cherchaient la voix. Moi seul, je me hâtais, plus que tous les autres, comme si rien ne m'avait frappé, comme si j'étais extrêmement absorbé. Et je l'étais en effet. J'étais occupé à me le représenter. J'entreprenais de l'imaginer, et cet effort me couvrait de sueur. Car je devais le créer comme on crée un mort, à l'appui duquel il n'y a plus de preuves, et dont il n'est plus possible de trouver les composantes. Un mort qu'il faut accomplir complètement au-dedans de soi. Je sais à présent que je trouvais un peu de secours à penser aux nombreux Christ en ivoire strié qui traînent chez tous les antiquaires. La pensée de je ne sais quel Pietà surgit et s'évanouit. Tout cela sans doute seulement pour évoquer une certaine inclinaison de son long visage et la désolation d'une barbe qui repoussait peu à peu à l'ombre des joues et cette cécité définitivement douloureuse de son expression fermée qui était dirigée de biais vers en haut. Mais il y avait en outre tant de choses qui lui appartenaient, car je compris dès lors que rien de lui n'était accessoire, ni la manière dont la veste et les manteaux, bâillant en arrière, laissaient partout voir le col, ce col bas qui se dressait en un grand arc autour de la nuque tendue et creusée, sans le toucher, ni la cravate de teint noir verdâtre, lâchement nouée autour, ni surtout le chapeau de feutre à fond raide, qu'il portait comme tous les aveugles portent leur chapeau, sans rapport avec les traits du visage, sans la possibilité de former, avec cet objet supplémentaire et soi-même, une nouvelle unité extérieure. Et ce n'est rien de plus qu'un quelconque objet étranger. Dans mon obstination lâche à ne pas le regarder, je finis par en arriver à ce point que l'image de cet homme se condensa en moi, sans raison, avec une force douloureuse, en une misère aussi dure que, harcelé par elle, je décidai d'intimider et de supprimer la précision croissante de ma représentation, par la réalité extérieure. C'était le soir. Je décidai de passer aussitôt près de lui en le regardant attentivement. Il faut à présent que vous sachiez, on approchait du printemps. Le vent du jour était tombé. Les rues étaient longues et satisfaites. À leur issue, les maisons luisaient, nouvelles, comme des brisures récentes d'un métal blanc. Mais c'était un métal qui vous surprenait par sa légèreté. Dans les rues larges, au courant ininterrompu, beaucoup de gens passaient les uns entre les autres, presque sans crainte des voitures qui étaient rares. Ce devait être un dimanche. Les terrasses des tours de Saint-Sulpice se montraient, gaies et d'une hauteur inattendue, dans l'air calme, et par les rues étroites, presque romaines, on regardait involontairement dans la saison. Au jardin et devant lui, il y avait tant de mouvements d'hommes que je ne le vis pas aussitôt, ou ne le reconnus-je pas tout de suite à travers la foule. Je sus dès l'abord que la représentation que j'avais de lui était sans valeur. La résignation de sa misère, qui n'était limitée par aucune précaution ni aucune feinte, dépassait mes moyens. Je n'avais compris ni l'angle d'inclinaison de son attitude, ni l'effroi dont l'intérieur de ses paupières semblait l'emplir complètement. Je n'avais jamais pensé à sa bouche qui était rétrécie comme l'ouverture d'un conduit de gouttière. Peut-être avait-il des souvenirs. Mais à présent, plus rien ne s'ajoutait à son âme, que, tous les jours, la sensation amorphe du rebord de pierre derrière lui, auquel sa main s'usait peu à peu. J'étais resté debout, et tandis que je voyais tout cela, presque simultanément, je sentais qu'il avait un autre chapeau et une cravate, qui était sans doute une cravate du dimanche. C'était un biais en damier jaune et violet, et quant au chapeau, c'était un chapeau de paille bon marché, avec un ruban vert. Les couleurs, bien entendu, importent peu, et il est même mesquin de ma part de m'en souvenir. Je veux dire seulement qu'elles étaient sur lui comme le duvet le plus tendre au ventre d'un oiseau. Lui-même n'y prenait point plaisir. Et qui donc, de tous ces gens, je me retournai, aurait pu supposer qu'il se fût paré pour eux. « Mon Dieu, me rappelai-je avec une subite véhémence, c'est donc ainsi que tu es? Il y a des preuves de ton existence, je les ai toutes oubliées, et je n'en ai jamais demandé aucune, car quelle formidable obligation serait contenue dans cette certitude. Et cependant, on me la démontre à présent. Voilà donc ton goût, voilà ton bon plaisir. Puissions-nous apprendre à supporter tout et à ne point juger? Quelles sont les choses que tu condamnes? Quelles celles que tu agrées? Toi seul le sais. Lorsque l'hiver sera de nouveau et que j'aurai besoin d'un manteau neuf, accorde-moi de le porter ainsi, durant qu'il sera neuf. »